Mireille Kanyang. Nous sommes mercredi 29 septembre. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. L'accès difficile pour les camions extincteurs dans certains marchés urbains, on constate ce mercredi du chef de cabinet du maire de la ville de Bujumbura. Des riziculteurs de la commune Gihanga en province Bubanza, près de la route nationale numéro 5 Bujumbura-Chibitoke, mise en garde par l'administration communale qui dit prévenir les inondations. Dans la rubrique « Parleur, assure-moi », l'invité nous parle de la diffamation et l'effet boomerang sur les réseaux sociaux. Bienvenue pour les détails dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page santé. Pour débuter cette édition, le nouveau code de déontologie des prestataires des services de santé régira tout employé de structure de soins jusqu'aux travailleurs et comporte des sanctions. Ceci a été annoncé ce mercredi par l'assistant du ministre de la Santé dans un atelier de validation de ce code avec tous les intervenants dans le domaine de la santé. Dr Onesfor Nzigirabadia a indiqué que la plus-value et que les prestataires de soins vont éviter des distractions étant sur le lieu de travail. On l'écoute au micro d'Arthur Kavaouchi. C'est un document qui va permettre à ces prestataires qui travaillent dans les structures de soins, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les cliniques ou bien les centres de santé et les plus reculés au niveau périphérique, et de savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour les malades lors de l'exercice de leur métier. L'innovation qui est principalement apportée par ce document, c'est que là, il y avait un ancien document du code de déontologie médicale. Voir ce document qui existait en le consultant, ça faisait semblant que ça s'intéressait seulement aux médecins, alors qu'au niveau de la formation sanitaire, ceux qui accueillent les malades, ceux qui soignent les malades et même ceux qui font payer les malades, ils ne sont pas toujours des médecins. Donc on a voulu que le document actualisé prenne en compte de tout le personnel qui travaille au niveau de la formation sanitaire. Vous comprendrez donc que le personnel, les malades qui vont demander des soins au niveau de la formation sanitaire vont gagner doublement parce qu'ils vont être en face des prestataires qui savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire et à leurs bénéficiaires. Docteur Onesfor Nzigirabadia, assistant du ministre burundais de la Santé. Sur différents marchés du pays, plus de 30% des produits agroalimentaires, dont des légumes et viandes, se détériorent faute de moyens de conservation. Constat fait lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la protection de la couche d'ozone sous le thème « Ensemble, gardons nos aliments et vaccins dans un endroit frais ». Quant au manque de moyens de conservation, le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement promet d'approcher leurs partenaires afin de trouver une solution. Le point avec Vestine. Lors de la célébration de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone et sous le thème « Ensemble, gardons nos aliments et vaccins dans un endroit frais », Dogi Derulema, le ministre ayant en charge l'environnement, a déploré la détérioration de certains produits agroalimentaires, dont les légumes, fruits et poissons, sur les différents marchés du pays, faute des moyens de conservation. Dans notre pays, du fait qu'on ne dispose pas encore des moyens suffisants de conservation des aliments, produits surtout c'est de courte durée de vie, il a été constaté que les aliments finissent à se détériorer quand ils ne sont pas achetés à temps et sur place dans les différents marchés. Ces aliments sont surtout les légumes, les tomates, les fruits, les poissons et les viandes. Comme remède, Berkima Satungi Mana, directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, s'engage à s'entretenir avec leurs partenaires financiers pour enfin appuyer les commerçants qui devraient faire le premier pas en se procurant des petits frigos pour la conservation de leurs produits périssables. En premier lieu, ce sont ces commerçants qui devraient acheter donc ces machines qui vont leur permettre de faire la conservation de ces des produits qui sont facilement perçables. Nous allons, à travers le ministère de l'Environnement et de l'Élevage, continuer à solliciter des appuis. Mais ce sont des appuis donc, qui vont venir appuyer des personnes qui aussi devraient donc voir comment s'organiser pour acheter ces petits frigos. Plus de 30% des produits agroalimentaires, dont les légumes, fruits et poissons, se détériorent suite à l'absence de chaînes de froid. Selon une recherche présentée à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à la protection de la couche d'ozone et faite par l'ingénieur en thermodynamique appliquée. Vestine Boutoyer, vous voudrez bien nous excuser de la qualité sonore de cet élément après une courte pause. C'est la page Agriculture. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h03. Dans nos studios, environ 120 tonnes de grains de maïs ont été collectées dans la commune de Muyinga pour une meilleure conservation. Et l'administrateur communal, Amédé Misago, demande au ministère en charge du commerce de les réceptionner. Il fait savoir que des stocks sont inappropriés, que ce maïs risque d'être détérioré. Au ministère concerné, l'on indique que des préparatifs sont en cours pour récupérer ces récoltes. Le point avec Pierre Clavier Barundi depuis Muyinga. Les grains de maïs collectés en commune de Muyinga sont conservés dans des stocks inadéquats. Amédé Misago, administrateur de cette commune, craint que si ce maïs reste dans ses stocks, il risque de se détériorer, ce qui sera une grande perte pour le pays. C'est pour cette raison qu'il demande au ministère en charge du commerce de récupérer ce maïs pour une meilleure conservation. Nous demandons, Madame la Ministre, que vous réceptionniez ces maïs, car les stocks dans lesquels ils sont conservés sont inappropriés. Au niveau du ministère concerné, on indique que les préparatifs sont en cours pour réceptionner ces stocks et que le public sera tenu informé. Vous saurez que la commune de Muyinga a collecté à elle seule environ 120 tonnes de grains de maïs. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois c'est en province Kirundo où environ 80 familles de la commune Bugabira se sont accaparées des terres domaniales qui avaient été données aux rapatriés rwandais en 1959 au moment où l'administrateur de la commune Bugabira appelle ces familles à les remettre à l'administration. De leur côté, ces familles affirment avoir acquis ces terres de la part de l'administration provinciale de l'époque. Eric Twizelimana demande à la population de Bugabira de s'habituer à gérer leur bien et de s'interdire de s'approprier de ceux d'autrui. Les détails avec Agnès Nhaumagadze. Comme l'indique l'administrateur de la commune Bugabira, Eric Twizelimana, les conflits fonciers sont l'un des problèmes majeurs que rencontre la population de cette commune et que les différents problèmes qui ont été traités par le conseil communal de la commune Bugabira figurent aussi ce problème de cas fonciers où l'administrateur a présenté un cas de 80 ménages qui se sont appropriés des terres domaniales s'étendant sur une superficie de plus de 150 hectares octroyés aux réfugiés rwandais vers les années 1959. Comme la même source continue à l'informer, certains Rwandais ont retourné à leur pays vers les années 1994 après avoir vendu et offert ces terres à leur connaissance. C'est ainsi que ces 80 ménages se sont appropriés de ces terres. Mais certains parmi ces 80 ménages indiquent que ces terres les appartiennent, arguant qu'ils les ont acquis de la part de l'administration de cette époque. Jean-Claude Barutwanayo, représentant de la commission chargée de la protection des biens et propriétés de la commune, indique que ces cas ont été traités par cette commission et que parmi ces ménages, ceux qui présenteront des documents qui prouvent que ces terres les appartiennent, ils pourront les garder d'office. L'administrateur de la commune, Bugabira Twizelimana, demande à la population de Bugabira de s'habituer à gérer leurs biens et qu'il est strictement interdit de s'approprier des terres qui les appartiennent pas. De Kirundo, Agnès Nahumagadze pour la radio Isanganiro. De Kirundo, nord du Burundi, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest du pays, pour parler de ces riziculteurs exploitants des champs de l'autre côté de la route nationale numéro 5, Bujumbura Chibitoke, qui sont mis en garde par l'administrateur de la commune Gihanga dans la province Bubanza. C'est dans le but d'éviter des inondations comme celle de la saison culturelle B qui ont occasionné des dégâts Yoga, Léopold Ndaïsaba, fait savoir également qu'une autre réorganisation est en cours pour ceux qui cultivent dans le domaine communal du côté de la réserve de la Loukoko. Il a dit ce mardi lors d'une réunion avec les cultivateurs au point avec Spes Caritas Kabanyana. Les responsables administratifs en commune Gihanga ont interdit la culture du riz dans les périmètres situés à la 5e, 6e, 7e et 8e transversale à droite de la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke. L'administrateur de cette commune le dit dans le but d'éviter d'autres inondations comme celles enregistrées au cours de la saison culturelle B, des inondations qui ont fait beaucoup de dégâts comme la destruction des routes, des maisons et autres. Léopold Ndaïsaba met en garde les riziculteurs qui vont faire sourde oreille et ignorer cette mesure, qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi. Il leur recommande de cultiver sur ces terrains des cultures vivrières comme le maïs, le haricot et autres qui n'exigent pas beaucoup d'eau. C'est au moment où ces cultivateurs disent que ces terrains sont régulièrement inondés suite au débordement de la rivière Kajeke qui a perdu son lit initial et précise qu'aucune autre culture ne peut s'y adapter à part le riz. Ils demandent plutôt aux autorités de leur chercher des techniciens qui peuvent les aider à tracer des canaux d'irrigation afin de cultiver sans déranger l'environnement. L'administrateur de Gihanga fait également savoir que notre réorganisation est en cours pour ceux qui cultivent du côté Loukoko dans le domaine de la commune afin que chacun puisse payer une somme équivalente à la superficie exploitée. Il a dit ce mardi lors d'une réunion avec les cultivateurs. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Spes Caritas Kabanyana voudrait encore une fois nous excuser de ces erreurs de montage ainsi que la qualité sonore de cet élément. Restons à l'ouest du pays, cette fois en province Cibitoke, où des personnes qui saisissent le guichet communal de Rugombo, saisissant le service foncier, s'en prennent membres de ce guichet qui leur demandent de l'argent lors de l'exécution de leur service, de l'argent pouvant aller de 10 000 à 50 000 francs burundais. L'administrateur de la commune de Rugombo met en garde ces gens qui demandent de l'argent pour l'exécution de leurs tâches, tout en indiquant que les personnes sollicitant ce guichet ne font doivent payer que 1 000 francs à la banque. Le point avec Alexis Ndairagidj. Les membres du guichet communal du service foncier demandent une somme allant de 2 000 et plus jusqu'à 50 000 francs bourg, selon les habitants de Rugombo qui saisissent au service. Ils affirment que lorsque les membres de ce guichet arrivent sur terrain, imposent de telles sommes d'argent pour commencer leur travail. Certains de ces membres indiquent qu'ils n'imposent pas des primes, mais que les propriétaires des terres leur donnent un rafraîchissement après leur travail avec leur propre volonté. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manilakiza, indique que le travail de terrain des membres du guichet communal du service foncier est gratuit. Il précise bien que celui qui sollicite ce service ne fait que payer seulement une somme de 1000 francs bourg à la banque et après les membres du guichet communal du service foncier sont présents sur le terrain de celui qui a payé. Il met en garde ceux qui demandent de l'argent pour l'exécution de services qui sont à leur charge. Là également, l'administrateur Manilakiza pointe du doigt les administratifs à la base qui demandent des pots de vin lorsqu'ils signent sur documents des vendeurs et des acheteurs de parcelles, qu'à un moment ou l'autre, ils seront sanctionnés. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Et certains des habitants des communes Muhanga en province Kayanza et Ruhororo, en province Ngozi, regroupés dans des associations composées par des jeunes non scolarisés, des batois, des veuves et handicapés disent que leur niveau de vie s'est amélioré après l'appui de l'organisation Christian Aid, surtout dans le domaine agricole. Ils l'ont dit ce mercredi au chef-lieu de la province Kayanza dans un atelier sur la redynamisation des structures locales et de coordination de la sécurité alimentaire dans les provinces Kayanza et Ngozi. Une information que nous devons à notre correspondant province Kayanza, Patrick Nsengiyumva. À 13h11 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition par cette rubrique Parle, rassure-moi. Des messages d'ON d'aujourd'hui qui nous parlent de la diffamation et l'effet boomerang sur les réseaux sociaux. Chartier Nyungeko, expert en résolution pacifique des conflits, explique que ces genres de discours sont déclenchés quand il y a un malentendu entre deux groupes sociaux. Suivez. Il y a ce comportement qui, qui se manifestent bien sûr ou qui se traduisent à des réponses qui ne sont pas du tout dignes, parce que c'est souvent des réponses ou des réactions qui concourent à la violence. Et alors, c'est que dans la plupart des cas, chaque fois qu'il y a des discours diffamatoires, donc les gens qui se sentent ou qui sont concernés aussi réagissent à ces discours. Ce que vous trouverez que lorsqu'on se sent menacé parce qu'il y a des discours diffamatoires ou des mots diffamatoires ou des langages diffamatoires à cause du tort donc à la personne concernée ou au groupe de personnes concernées, c'est qu'aller-retour, des fois, ils utilisent les mêmes discours. Cet expert va être l'invité de cette édition. Et au début de cette édition, je vous avais parlé de l'accès difficile des camions extincteurs en cas d'incendie dans certains marchés de la ville de Bujumbura. Constat du chef de cabinet du maire de la ville de Bujumbura ce mercredi, après une descente de démonstration effectuée dans les marchés de Ruvumera, Kinama et Ngagara. Ambassadeur Barégué Jean Bosco appelle les responsables et marchands à toujours dégager la voie destinée à ces camions. Et le manque de soutien entre les conjoints dans les travaux champêtres est l'une des raisons de l'insuffisance alimentaire dans les ménages de la zone Kamaragambo, en commune Butihinda de la province Muyinga. Et certaines femmes de cette localité disent que leurs époux s'intéressent uniquement à l'extraction des minerais au détriment des travaux champêtres. Un état de fait connu de l'administration communale qui parle d'une diminution de la production agricole et une hausse des prix. Le point avec Omer Ndouaïo. Certaines de ces femmes disent qu'elles cultivent seules quand leurs maris sont dans l'extraction des minerais. Les femmes ne sont pas soutenues dans les travaux champêtres. Nos maris s'intéressent à l'extraction des mines. S'il n'y a pas de collaboration entre les conjoints, les activités champêtres ne sont plus productives. La colline Kamaragambo compte peu d'hommes. Sur d'autres collines, une minorité de ces hommes s'intéresse à l'agriculture suite à l'extraction. Parfois, disent ces femmes que les hommes viennent au secours par le biais de ceux qui font le travail champêtre rémunéré par jour en cas de gain dans les mines. Si l'homme gagne de l'argent dans l'exploitation de l'or, il peut engager des ouvriers journaliers. Quand on gagne de l'argent à travers l'exploitation de l'or, on peut acheter une parcelle. Et si l'homme ne s'intéresse pas à l'agriculture, il n'a qu'à engager des ouvriers. Fidel Tunguhore, secrétaire exécutif permanent de la commune Butihinda, attribue la hausse des prix des denrées alimentaires au manque d'entraide. Notre commune est fertile, donc si on cultive, on produit, mais parce qu'il y a un nombre limité de cultivateurs, bon nombre d'hommes s'occupent de l'exploitation de l'or. C'est-à-dire que dans beaucoup de ménages, ce sont des femmes tout court qui s'occupent de l'agriculture. Bien entendu que la production ne va pas être suffisante. Donc, on a recours à acheter beaucoup d'aliments au marché. Il y a peu de producteurs et beaucoup de consommateurs qui utilisent de l'argent. Cet administratif ne comprend pas le manque de nourriture dans le ménage au mât où la commune Butihinda est, selon lui, très fertile. Parle, rassure-moi. Place à l'invité du journal Chartier, Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, s'entretient avec notre confrère Robin Nyonguru à propos de la diffamation et l'effet boomerang sur les réseaux sociaux. Chartier, Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, bonjour. Bonjour. Oui, nous parlons aujourd'hui des discours de diffamation et leurs effets boomerang sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, comment comprendre cet effet par rapport au discours diffamatoire? Il faut partir du contexte et se demander quelques questions pour comprendre quand est-ce que les gens utilisent des discours diffamatoires. Et alors, si je pars de l'analyse du contexte, il faut d'abord comprendre que chaque fois que les gens se trouvent dans une situation d'incompréhension, c'est qu'ils ont tendance à adopter différents comportements. Et parmi ces comportements, il y a ceux qui sont, qui sont manifestés à travers le langage ou les discours ou les mots qui sortent de leur bouche, tandis que d'autres comportements sont manifestés à travers des actes posés face à ces situations de conflit. Oui, c'est dans quel contexte ces discours sont tenus ou prononcés? Donc, il s'agit souvent des contextes où différents groupes de gens ont été impliqués dans des situations de conflit pendant longtemps, à des situations pendant lesquelles les concernés n'ont pas pu trouver des voies pacifiques ou des voies dignes pour pouvoir faire face à ces conflits sans toutefois faire recours à des voies violentes. Alors, comment réagir face aux discours diffamatoires? Pour bien réagir à ces discours, il faut que les gens donc prennent du temps à d'écouter et d'analyser et aussi de chercher comment répondre à ces discours sans toutefois user du même langage. Parce que si quelqu'un t'insulte et dit oh, « toi idiot » et que toi aussi tu es idiot, c'est-à-dire que vous êtes le même. Et pour clore, comment alors limiter l'effet tache d'huile dû au discours diffamatoire? Brièvement, il faut adopter un comportement pacifique. Il faut apporter vraiment un comportement qui va aider à trouver une solution, un comportement qui va même corriger ce genre-là qui sont en train d'utiliser ces discours, donc ces mots insensés. Oui, merci. Et je rappelle que nous avons parlé aujourd'hui des discours de diffamation et leurs effets boomerang sur les réseaux sociaux. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.